gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Collin. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, et oui, Planète Indie, ça commence maintenant sous la chaleur torride de cet été qui commence, eh bien, très bien. On va donc vous apporter un peu de fraîcheur, une fois n'est pas coutume, d'habitude on vous apporte du soleil, aujourd'hui ce sera de la fraîcheur. C'est la première émission de cet été. Nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur votre fréquence habituelle. Et justement, en parlant de fréquence, eh bien la nôtre, elle a changé. Nous sommes maintenant disponibles sur le 96.6 FM si vous nous écoutez via les bonnes vieilles ondes radio. Ma foi, si vous nous écoutez via le web ou via le câble télédistribution, en principe, ça ne change pas. On a pas mal de choses et de nouveautés à vous proposer, évidemment, aujourd'hui comme chaque mois. C'est l'épisode numéro 362 de Planète Indie. Eh bien, on va le commencer tout de suite en musique, sans plus tarder, avec le groupe de Pink Dust. Et un morceau qui s'intitule Out of My Mind. Et oui, tu es sorti de ma tête, tu es sorti de mon esprit, je ne pense plus à toi. Et puis après, ce sera un extrait de l'album, du nouvel album du groupe danois Vinyl Floor. Et on écoutera le morceau Colorblind. Restez bien avec nous, vous êtes bien là. Vous nous écoutez peut-être sur le bord de la piscine ou dans les magasins si vous faites les soldes, mais bon, la température c'est un peu difficile. En tout cas, vous allez découvrir le meilleur de la musique. Et c'est parti avec donc les Pink Dust. Expect at all. Goddamn pusher man's gonna make me crawl. Up down pushed me right through a wall. I won't make you think it's wonderful. Somehow I'll get through and we'll win the war. I can't stop touching you like a wrecking ball. I come in a habit the moment calls. feel me now. I pray, dream a thousand miles, think of better days. I'll fall, give in to the fight, wave to passers-by. J'espère que vous appréciez la programmation de ce début d'émission. Je vous rappelle, leur nom est dans l'ordre. Là, on a commencé avec les Pink Dust et puis ensuite les Danois de Vinyl Floor. Et à l'instant, Once an Empire. On va continuer notre petit voyage et on va aller se tourner maintenant du côté de la Grande-Bretagne avec un groupe, une autre nouveauté. C'est la première fois qu'on l'entend dans cette émission. Il s'appelle RXGF, ils ont sorti un album qui s'appelle Any Other Way, c'est un futur potentiel powerplay pour une prochaine émission. Vous allez pouvoir découvrir cela par vous-même, on va écouter le morceau Flesh and Bone. From the mightiest mountain to the loneliest cave, I'm falling. Encore une autre nouveauté dans vos oreilles, le groupe Happiness to Life, bah oui, ils sont heureux, ça se comprend, best day in my life. 17h26, il est grand temps de passer à notre album Powerplay, l'album d'un artiste qui est un vrai homme orchestre, on va dire, puisqu'il joue non seulement de la guitare, il chante évidemment, il joue aussi de la grosse caisse, de la caisse claire, de la pédale Charleston. Et puis, c'est pas encore assez pour lui. Il fixe une petite tête, une petite baguette de batterie attachée à sa guitare. Et avec ça, il joue encore d'autres percussions. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est bien ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il fait tout ça en même temps. Bah oui, cet album a été enregistré en une seule prise. Et donc, tout a été joué en même temps. L'artiste en question, bah oui, je vous ai pas encore dit son nom, c'est Steve Hill. Je vous en ai déjà parlé parce qu'il avait sorti il y a quelques temps déjà un album intitulé Solo Recordings Volume 1 et puis un single EP Solo Recordings Volume 1, enfin 1.5, 1.5. Là, on a le Solo Recordings Volume 2 et c'est celui-là qu'on va découvrir un peu plus en profondeur aujourd'hui dans Planète Indie. Donc, moi, je vous ai dit que c'était un homme orchestre. Bah oui, quand on fait de la musique, ça aide. Et puis, cet album Solo Recordings Volume 2 a eu déjà pas mal de prix en 2015. Il a eu le prix Juno 2015 pour l'album blues de l'année. Bah oui, ça va être un peu du blues. Ça va changer un peu de ce qu'on a écouté jusqu'à présent aujourd'hui. Et puis, il a eu 4 prix Maple Blues 2015. Spectacle électrique de l'année, guitariste de l'année. Non, ça fait... Non, bien 4. Spectacle électrique de l'année, guitariste de l'année, enregistrement producteur de l'année et artiste de l'année. Rien de moins que ça. Alors, je vous propose un premier extrait. Il s'intitule, je retrouve mes petites fiches, Have to See You Go. C'est notre powerplay. Il s'appelle Steve Hill et puis il est canadien. Voilà. On l'écoute tout de suite avec ce morceau. Have to See You Go, Steve Hill. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Left me here to cry. No, I love her. No, she's my desire. No, she's my desire. No, she's my desire. No, she's my desire. No, she's my desire. Came home this morning about 4:30. Found that note lying on my floor. Gone where to leave you. You just don't know. Heard some bad talk. Something that you said. Something that you said. Something that you said. Something that you said.

dancing slowly to a synchronized heartbeat. Tell me, baby, won't you let me go on? You left the answer to my question incomplete. Give myself a little time, find a way into your heart. Let me be the only one you love, love, love. Who is there to help me understand? Don't let me wait here in the pouring rain. Never change the partner when we dance, would you? Would you? You know, I have never felt this way before, and I don't even know what's wrong with me. Like, I just can't stop thinking about you. Am I in love? And do you feel the same way? There are so many things going on in my head right now, and I just wanna make this clear. So promise me that you're gonna be honest on this, okay? Would you like to take a chance on me? Would you? Life is a way as peaceful as Over my feet and you Voilà, à l'instant dans nos oreilles, c'était Audi avec I'm Done. Et puis avant cela, les charmantes jeunes filles de Vansgaard, Love's Gift. Et puis encore avant, voilà, comme ça on va tout remonter en arrière. C'était Jenny Quinn et Would You. Je vous rappelle que vous écoutez Planète Indie. Nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour 90 minutes de musique indépendante, de musique alternative et de musique que vous n'entendez nulle part ailleurs. Je vous rappelle aussi que la fréquence RGL a changé depuis ce mois-ci. Nous sommes disponibles sur le 96.6 en FM et puis vous pouvez aussi nous écouter via internet ou via le câble de télédistribution. D'ici quelques minutes, retour sur notre album Powerplay. Je vous rappelle, il s'agit de Steve Hill avec son album Solo Recordings Volume 2. Avant cela, on va encore écouter Jeffrey Straker qui nous emmène au jardin botanique, Botanic Garden. Voilà, Botanic Garden, la petite balade, j'espère qu'il est à l'ombre le Botanic Garden, en tout cas aujourd'hui, parce que la température, eh bien, c'est pas ça, enfin si c'est ça, mais c'est peut-être un peu trop. Moi, heureusement que j'ai un bon ventilateur qui fonctionne bien, ça rafraîchit pas mal, ça fait du bien. Allez, retour sur l'album de Steve Hill, Solo Recordings Volume 2, je vous ai dit qu'il avait été enregistré en une prise avec tous les instruments qui... était joué en même temps, donc Steve Hill c'est plutôt un artiste qui touche un peu à tout, c'est la musique, il a sorti 8 albums jusqu'à présent et il a avec cela exploré tous les styles, que ce soit le hard rock, la country, la musique folk, mais son premier amour ça reste quand même le blues. Il chante essentiellement des chansons originales et puis parfois il reprend aussi des chansons d'autres interprètes, d'autres artistes, c'est notamment le cas sur cet album. Il y a trois reprises, hein. Have to See You Go de Little Walter, c'est ce qu'on va non, c'est le morceau qu'on a écouté tout à l'heure. I Want You to Love Me de Muddy Waters, et puis Simple Things de Ray Bonneville, et puis le reste sont des compositions originales. Et puis il a partagé la scène avec pas mal d'artistes, et notamment ses idoles comme Ray Charles, B.B. King, ZZ Top, Jimmy Vaughan, ou encore Jeff Beck. Donc vous voyez, il a de quoi plaire à pas mal de monde, et puis il participe aussi au plus grand festival de musique, notamment au Canada, puisqu'il est originaire de là-bas, comme le Festival de Jazz de Montréal, le Festival de Blues d'Ottawa, le Festival de Blues de Mont-Tremblant, ou encore de Blues de Thunder Bay ou de Kitchener. Voilà, je me tais, je lui laisse la parole. On a aussi mis sur la page Facebook de Planet Indie la vidéo, elle va être publiée, la vidéo de Have to See You Go, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Là, maintenant, on écoute Tough Luck, Steve Hill. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Powerplay. I'm lying here, I won't get up. The end is near, this is where it stops. And the ceiling over me is the last thing I'll ever see. I've been a sinner, but I was a good man. Just a lover with a losing hand. I didn't get the time to make the wrongs right. And now tough luck gets her way again. Tough luck right until the end. Tough luck has been my only friend. Tough luck, you win again, you win again. She had a jealous man who had a 22, a quick hand and short temper too. Didn't get the time to make the wrong right. And now tough luck gets her way again. Tough luck right until the end. Tough luck been my only friend. Tough luck, you win again. You win again. My soul light as a feather on the day I died. When I meet my maker way up high. Wanted my soul light as a feather on the day I died. When I meet my maker way up in the sky. But now tough luck gets her way again. Tough luck, right until the end. Tough luck has been my only friend. Tough luck, you win again. You win again. You win again. Ooh. to fear, foreign soil beneath their heel. And as we leaves upon their laces, waking the weary in worn out place, I spin my mind into to try, help reach reasons justify. My only chance to ask or lie, which lays best in a blind man's eye. Run boy, come and roam as far wide you can. Run boy, come and it's not you mother, it's not you dad. Run boy, come and home is going nowhere. And now I hold the distant news, sing new songs of new highway blues. Just give us ground. And we just need ground. Good old cold ground. And we just want ground. Écoute, là, c'est un extrait du tout nouvel album de Glenn Taylor, un album qui s'intitule Tear Into the Future. On écoutait la plage numéro 4, Shining Pass. Avant cela, c'était Corna Crona avec Run Boy, dont on annonce aussi un nouvel album. Enfin, on l'annonce pas, il est sorti puisque je l'ai eu en main, je peux vous le dire. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en écouter eh bien, un morceau d'ici une prochaine émission. Avant de poursuivre en musique, je voudrais encore vous parler quelques mots en vitesse, parce qu'on est un peu pris par le temps aujourd'hui, d'un festival de jazz qui se déroule à Comblain en Belgique. C'est aujourd'hui et demain le Comblain Jazz Festival. Avec, pour aujourd'hui, ça a commencé à 15h, et puis bon, vous aurez notamment l'occasion de voir à 20h les Cookers, à 21h30 To Trio, ou à 22h30 Eric Lenini. Et puis ça continue demain avec Swing Baron, Stali Toke, et encore bien d'autres, et puis notamment à 20h15, Danny Klein, le nom ne vous dit peut-être rien, mais c'était la chanteuse du groupe Vaya Con Dios. Il faut savoir qu'entre la ville de Comblain-la-Tour et le jazz, c'est une vraie histoire d'amour qui a commencé à peu près il y a 50 ans même, puisque John Coltrane avait donné à l'époque un concert mythique et qui a même été filmé et qui a été enregistré et filmé et sorti sur un disque. Voilà, donc il y aura un hommage aussi à John Coltrane autour à l'occasion de ce festival de jazz de Comblain-la-Tour. Pour plus de renseignements, www.comblainjazzfestival.be. Comblain, ça s'écrit Comblain. Voilà, on poursuit en musique sans plus tarder avec Machine Elvis. Alors là, c'est un peu plus violent que du jazz, vous allez voir, mais bon, je vous l'ai dit, hein, ici, Planet Indie, c'est très éclectique, ça va dans tous les sens. Machine Elvis avec Bow Down, et puis après ce sera Six String Loaded, The Last Song I Ever Write. Bowing down to holy men and kings. Six String Loaded, the last song I ever write. À 18h11, eh bien, je vous propose de retourner pour la troisième et dernière fois aujourd'hui sur l'album de Steve Hill, le Solo Recordings Volume 2, c'est notre power play aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir sur son site web www.stevehillmusic.com, stevehillmusic.com, et notamment au niveau des actualités, vous verrez que demain, il sera en concert à Thunder Bay en Ontario, et puis le 11 juillet, il sera à Mont-Tremblant, dans l'état, dans la province, parce qu'au Canada c'est des provinces, dans la province de Québec. Voilà, et puis ces actualités, elles sont assez variées. Et on annonce notamment la sortie et l'enregistrement du Solo Recordings Volume 3. Donc on vous tiendra au courant dès qu'on, eh bien, il nous sera parvenu. Quelques petits mots aussi pour la programmation de la Rockale du mois de juillet, ça va aller très vite. 6 juillet, Gojira, le 11, le festival Screaming Field 2015, le 13, Daddy Yankee, le 20, Snoop Dogg, et puis le 21, le Hooter. Et puis après, il n'y a plus rien jusqu'au 28 avril. Donc c'est l'été, ça va être calme. Allez, on écoute Steve Hill avec Still Got It Bad. C'était notre Power Play aujourd'hui dans Planète Indie. Power Play. Power Play. Something wrong walking through the door. I had a bad feeling. You didn't come home. I waited by the phone, sitting in the dark with this pain in my heart. I waited all night for you. I got it bad. But I got a bad feeling that I got it wrong. I have it bad for you. Your love was so good. Now it's all gone. No matter what you do, still got it bad for you. Still got it bad for you. Bad for you. All the things you said, lying in our bed, you let me on. And it feels so wrong. All my trust in you is gone. I got it bad, but I got a bad feeling that I got it wrong. But having it bad for you, your love was so good. Now it's all gone. No matter what you do, still got it bad for you. Yeah. I saw you leave the house. I watched you go. You took off your ring. I saw you take off your ring. You had your best dress on. And your new shoes too. Oh, what you gonna do? What you gonna do? You took off your ring. I saw you take off that ring. Oh, what you gonna do? Tell me, what did you do? And now you come back home. The ring is back on. You walk through the door. You say, hi, honey bunny. Oh, how I missed you today. I got it bad, but I got a bad feeling that I got it wrong. By having it back for you, your love was so good. Now it's all gone. No matter what you do, still got it bad for you. Still got it bad for you. Cause I love you too much. for real fast. I'm feeling lucky and free. The devil knows what I'm running from. God knows where I'm running to. They made a deal a long time ago. There's nothing left to keep me from. I'm Voilà, on aime aussi la musique calme. Là, on écoute Jeff Oster. Un morceau qui s'appelle Next. C'est un morceau... vous reconnaissez peut-être le toucher de guitare. C'est celui de Nile Rodgers. Pour les plus anciens d'entre vous, eh bien, ça évoque le groupe notamment Chic. Et puis pour les plus jeunes, c'est... ça évoque aussi les Daft Punk, puisqu'il a travaillé aussi bien avec Chic que Daft Punk. Encore une petite manifestation dont je voulais vous parler, c'est la Villa Plage 2015, c'est les organisations estivales de la Villa Vauban à Luxembourg. Il y a pas mal de choses au programme. Il y a du bimbo théâtre, un carousel, un rouleau autographe, il y a même des initiations à la couture ou au tricot. Donc ça va vraiment dans tous les sens. Vous allez voir sur la page villavauban.lu et il y en aura pour tous les goûts, enfin pratiquement tous les goûts. J'ai vu ça, je me suis dit que j'allais en parler. Donc c'est le programme Villa Plage 2015 de la Villa Vauban. Cette émission eh bien, touche tout doucement à sa fin. Nous serons rediffusés demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Le podcast de l'émission sera aussi bientôt disponible sur notre site internet. J'ai été très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 363 le samedi 1er août. Et puis on va souhaiter aussi, puisqu'on est le 4 juillet, le 4th of July, Happy Independence Day to our American friends. Une bonne fête nationale à nos amis américains. On va se quitter avec un groupe, je ne vais pas dire de fêlés, mais d'illuminés japonais, qui s'appelle SM.MP, ça veut dire Small Mountain Pass. Je vais pas m'aventurer dans le nom de leur album Kigamiemasu. Voilà, mon japonais n'est pas au top niveau, donc vous m'excuserez la prononciation aléatoire, enfin pas aléatoire, mais un peu au hasard. Et on va les écouter avec le morceau Making a Box. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'ils sont un peu illuminés. Bon, j'avais prévu de vous passer encore un autre morceau d'illuminé aussi après, mais on n'aura vraiment pas le temps aujourd'hui. Donc on va se quitter avec ce morceau de Small Mountain Pass. Rendez-vous donc le 1er août pour l'épisode numéro 363. Passez une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et soyez à l'écoute donc le 1er août entre 17h et 18h30. Rediffusion demain et puis podcast disponible aussi sur notre site internet. Voilà, bonne soirée, à bientôt. I can do what I can do. I like it or dislike it. This is good or maybe not. I don't know what I know all. Big suspicion. Throw away or keep forever. Aggravation will not matter. Can you tell me how to feel? It's bad. It tastes good or so bad. It's a hot or it's mine. Who's gonna tell me how I feel? Box, XYZ, brand new big box, I can't Brand new big box, I can put a lot.